Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Ah, ah, ah, non, non, non, vous n'êtes pas fous, chers auditeurs. Vous avez bien reconnu ce jingle. Du moins, je l'espère. C'est celui de Zik Numérique. Bonsoir, je m'appelle Sis et je suis un tripeux de musique étrange. Zik Numérique, ça se trouve être mon show de chiptunes que j'ai fait. J'ai fait un gros total de 3 épisodes. Et voici, je vous présente les quatrièmes parce que mes amis Dan et Dom de Geekorama m'ont fait savoir qu'il y avait de la demande pour une suite à ce show-là. C'est pas que je vous ai boudé, j'ai été un petit peu pris et j'ai même pas le temps de faire mon propre podcast, donc. Mais je suis toujours passionné par les mêmes choses et j'avais vraiment envie de partager encore quelques tonnes avec vous. J'ai des vieux mix montés depuis très très très longtemps que je voulais vous partager, mais bon, étant donné que la musique arrête jamais de rentrer, j'ai décidé de créer quelque chose de nouveau. Tout ce que vous allez entendre ce soir, c'est du stock qui a pas plus de 1 ou 2 mois d'actualité, disons. Fait que c'est du stock quand même assez récent et très très très intéressant. Je m'éterniserai pas plus que ça parce que je déteste parler et puis je suis là pour vous présenter de la musique. On va se rejaser tantôt vers la fin de l'épisode. Je vais vous expliquer qu'est-ce que vous avez à faire si jamais vous aimez ça, ce show-là, puis que vous voulez m'entendre encore. Sur ce, bon show et bon voyage. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. comme je vous ai parlé en introduction de show, je vous ai dit que, bon, je vous expliquerai quoi faire si jamais vous aimez ça, la musique numérique, puis quoi faire si vous en voulez d'autres, des shows comme ça. Ben, en réalité, c'est très très simple. La vraie raison pour laquelle je suis parti, pourquoi est-ce que j'ai pas fait de show depuis, ça va faire plus d'un an, c'est que moi et Dan de Geekorama, on s'est un petit peu chicané. J'ai fait une blague au sujet un peu osé par rapport à sa mère, et depuis, il est vraiment fâché après moi, puis il veut plus me parler. J'ai essayé de passer par Dom, qui est son bon ami, pour essayer de calmer les choses, mais ça ne fonctionne vraiment pas. Donc, il a fallu que je hack un peu le feed RSS de Geekorama pour venir m'insérer, et c'est quelque chose de très compliqué, puis moi je suis pas familier avec ça, fait que j'aimerais ça que vous m'aidiez à me réconcilier avec Dan. Et pour ça, c'est très très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'inonder la page Facebook de Geekorama de photos de coq à ciel. Oui, des coq à ciel, parce que je sais que Dan et Dom aussi, d'ailleurs je pense que c'est comme ça qu'ils se sont connus les deux, je pense qu'ils magasinaient un petit perroquet. Et c'est ça, si vous voulez inonder la page Facebook de coq à ciel, ça rendrait Dan super de bonne humeur, super heureux, et puis probablement qu'il m'autoriserait à faire d'autres shows comme celui-là. Seulement si vous aimez ça, ça serait vraiment, je pense, la meilleure façon de faire. Ceci dit, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Il reste encore 3 petites tonnes, et je sais pas si c'est mon background de DJ qui veut ça. Je vais terminer ça sur une belle petite mélodie mélodrama triste, un peu à la levée des tables à la fin d'une soirée dans un bar. Fait que ceci dit, vous savez quoi faire, photo de coq à ciel sur Facebook. Et puis d'ici là, on se dit peut-être à la prochaine. Ciao! We'll be right back.